avez cru à des histoires ou à des versions montées par d'autres. Force est de constater qu'aujourd'hui ma part est ma faute. Mais les fautes n'étaient pas de moi, les fautes venaient de derrière. Pourquoi je suis allé trop loin en surveillant par mon arrière. Et l'arrière est la cause de mon changement d'attitude. Je n'arrivais plus à m'exprimer, que j'ai perdu mon habitude. Je ne faisais qu'à ma tête, car j'ai cru trouver le bonheur. Mais quand ce bonheur s'éteint, il perd peu à peu son honneur. J'ai tous les gens que j'aime et qui me suivent. Me revoilà les mains nues, humilié par un amour qui m'a vaincu. Alors pourtant j'avais tout pour réussir, mon équilibre était solitaire. Ne me demandez pas pourquoi j'agis comme ça, j'agis face au solitaire. Pourquoi j'écoutais ces mensonges, pourquoi j'ai pas été respecté. J'étais trop gentil au point de laisser contrôler mon excès. Et l'excès a fait du tort dans mes choix et mes directions. Mes actes ont des conséquences, j'ai oublié la réflexion. Mes intentions sont parties en fumée car mes intentions étaient bonnes. Pourquoi j'ai lâché la prise pour plonger dans la déconne. J'ai plongé dans une spirale qui a coûté très cher pour notre couple. On a cru avancer mais on reculait car on était plus souple. Les jours passent et je vois tout ce que j'aime s'éloigner de moi. On s'est dit à demain mais elle avait besoin de moi. J'ai cru être un roi heureux, désormais je suis un roi sans couronne. Désarmé je suis perdu car je suis un sous-homme. Toutes mes priorités sont transformées en arrière-plan. Je suis fatigué d'être attaqué, d'être un martyr comme on attaque un serpent. Ça vient me dire ceci cela sans explication fondée. Mais quand je m'aperçois du contraire, je vois qu'elle s'est trompée. Elle m'a trahi dans ses paroles, elle m'a menti dans ses histoires. Et tout le mal que j'ai fait autour reste violent dans une vie noire. J'étais pas influencé mais sous l'effet de l'amour. Aimer n'est pas détruire, j'ai détruit mon parcours. Dans ma tête j'ai l'impression d'être bien, ce qui est bien contraire des autres. Et c'est les fautes de mon côté que je dévoile à vôtre. Si certains pensent que je me vote, dans le fond ils n'ont pas tort. Mes opinions ne mettent pas tout le monde d'accord. J'ai fait du mal sans m'en rendre compte, parce que j'étais dans un autre monde. Et vu ce que je délivre, je me vis dans un atmosphère immonde. Si je pense au mien, on me dira de penser à moi. Mais si je pense à moi, c'est l'égoïsme qu'ils verront en moi. Je sais qu'on fait toutes des erreurs, j'ai jamais été parfait. Pourtant la vérité ne fait plus d'étincelles car elle s'est lavée. Touchée de plein fouet, des coups on m'a roué. Mais elle m'a fumé par ses visions imaginaires et bafouées. Et je ne pourrais vous dire ce que je ne sais pas. Pourtant la violence montre un visage et la conclusion n'y est pas. Mes parents n'ont rien vu venir car j'ai voulu préserver ma vie. Mais comment dois-je le prendre si au fond elle me salit. J'avais peur de dire non, alors j'ai laissé parler l'amour aveugle. Je casse le miroir pour connaître mes 7 ans de malheur. J'avais peur des représailles alors que je n'ai rien demandé. On m'a fait comprendre qu'il valait mieux pour moi de me ranger. Y'a quelque chose qui m'a montré que ce n'était plus moi. C'était d'aller insulter les gens qui représentaient beaucoup pour moi. M'abstenir, j'aurais dû me taire quitte à me prendre un revers. Ce n'est plus un mensonge de ma part que je resserre. J'ai fait souffrir ma famille, maman, papa, mon frère et mon beau-père. Rien que cela, j'ai montré que j'ai perdu mes propres repères. Est-ce que j'étais à bout ou complètement à côté de la plaque. Quoi qu'il en soit, je me suis bien retrouvé à la ramasse. J'existe aussi que maintenant, il est grand temps de reconstruire. Je mettrai du temps à rebâtir mon empire. Maman, je te demande pardon de ne pas avoir été présent durant ton hospitalisation. J'étais en pleurs, j'étais en sang. Tu as été dans l'angoisse pendant mon absence. Pour mes conneries graves, je voulais garder ma sentence. J'assume tous mes erreurs et je continuerai de payer. Mais dans le fond, tu m'as aidé à me relever. Pardon à toi frérot pour toutes ces insultes. Quand je t'ai pris dans mes bras, j'ai retrouvé mon issue. Tu aurais pu me renier comme maman, mais on n'est pas comme ça. Tu m'as remonté le moral jusqu'à aujourd'hui car tu es encore là. À mes deux bras droits, Momo et Chris, vous êtes toujours en moi présent jusqu'à maintenant. Vous comptez beaucoup pour moi. Pardon pour tout, pardon de vous avoir fait faux bond. C'était pas voulu, mais juste me revoilà au écran. Momo, pardonne-moi le jour de ton anniversaire de ne pas avoir été présent. Pardonne-moi pour toutes les choses que j'ai pris dans les dents. Mon frelon Chris, tu m'as toujours soutenu et écouté. Tu as été le premier à me tenir bon, à ne rien lâcher. Le premier qui m'a tiré vers le haut quand tout allait mal. Le premier qui m'a incité à ne pas rendre mes armes. On va repartir comme en 40, ça je le sais déjà. Quand tu étais dans la merde, j'ai toujours été là. Dédicace à ta famille pour tout leur soutien. Ta maman est fière de toi car tu étais sur le terrain. Pardon à Maxime d'être silencieux durant mon absence. Aujourd'hui je sens du silence qui était pesante. Je lève mon verre pour ta reconnaissance et ton franc en parler. Tu me vois plus pareil, aujourd'hui je me laisse plus marcher. Pardon à Sarcastique et Xtero de ne pas avoir été présent. Aujourd'hui le coup sort de l'ombre grâce à ma voix magique. PS6 Crew poussé à marquer le hip-hop et le temps. Est-ce que c'était en place? Normal, ça déverse des rimes classiques. On va refaire une destruction massive dans la planète rap. Trois flots de tarés réunis pour te mettre des baffes. Pardon à nos sphères à cause d'avoir gardé mes vérités blessantes. J'ai connu la descente, tu m'as donné une correction méritée sur le son de vie. Si je suis sorti du trou noir, c'est en partie grâce à toi aujourd'hui. Y'avait quatre mesures qui m'a tiré vers le haut. Merci d'avoir lâché une vérité forte qui m'a sorti de l'eau. Si tu m'en veux pas, je sais que tu as pris sa défense. Et c'est normal car j'ai visé la mauvaise personne. Ça ne se reproduira plus car j'ai changé. J'ai bientôt 27 ans et mon état d'esprit est bien loin de vos pensées. Je me souviens des titres forts comme Jalousie et Enfant Triste. Vivement qu'on refasse des sons car toutes ces ambiances me manquent. Pardon à Ghostly d'avoir été l'ombre de moi-même. Ce jour-là tu as capté que c'était pas moi qui menais la danse. Merci de ton soutien car on s'est compris. Je suis content que tu ailles bien car tu respires une nouvelle vie. Pardon à Julien, Jérôme, Jean-Charles, Rani. Ça fait plaisir de voir des amis me soutenir. Pardon à Emily de la base d'avoir été dans l'ombre. Tu seras toujours la personne qui me poussera vers la lumière. Inch'Allah qu'on se reverra quoi qu'il arrive. Aujourd'hui je respire le bonheur de revivre. Enfin pardon à la grande rappeuse pour qui j'ai toujours du respect. C'est dans un morceau entier en ton honneur que je te dédierai.